Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime les premiers et a attaqué mon salut sur le bois. Et quand l'heure, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire, Kainaling, Yenaling, Solo Naling, Naling, Yesus, O Aling, Aking, Aling, Aling, Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous te remercions ce soir pour ta grande infamie, pour l'amour divin et les secours de Dieu, ta disponibilité à nous écouter, pour parler d'une autre voix à nos pauvres cœurs. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous rassemblons ensemble au nom de Jésus-Christ pour t'adresser un culte et nos prières. Notre adoration et recevoir les bénédictions de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour être maudits. Nous ne sommes pas venus pour marquer les pas. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour tourner en rond. Mais nous sommes venus pour progresser. Pour avancer avec Dieu. Et avoir de nouvelles expériences. De nouveaux témoignages. Et une nouvelle visitation de sa part. Un nouveau remplissage de puissance. Les secours de Dieu dans tous les besoins. Et la délivrance totale. Tu es le Dieu de ta parole. Auteur de promesses infaillibles. Promesse qui se réalise toujours. Et tu vis en elle pour l'honorer et nous édifier. Béni le reste du moment qui soit, l'exhortation de la parole, que nos cœurs saisissent ta pensée, que nous marchons dans ta volonté. Reste avec nous, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ et pour la gloire. Amen. Amen. Nous allons vivre la parole du Seigneur. Dans Jérémie au chapitre 23, le verset 21, prenons le verset 16 et puis nous lirons le verset 21. Jérémie 23, verset 16, verset 21. Le verset 32. Ok. Ici parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. ça va bien. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Verset 32. Voici de l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à son peuple et à l'Éternel. Bajali kolakisa bino masambo na mpanga. Balobi mpona emoneleli na mitema na bango mpenza, kasi wuta na monoko na Yawe te. Natindaki basakoli yango te, mpe bapotaki mbango. Nalobaki na bango te nde basakolaki. Yawe alobi ete, tala, najali kotemela bango, na oyo bakosukola nzoto na bukosi, mpe bakoyebisa yango na bakotondisa bato na ngai na puta na bango, mpe na nzombo na bango na mpamba, kasi ngai natindaki bango te, mpe nalakisaki bango te, Yawe alobi ete, Bato Zisa, Bato Oyo, Likomba Te. Romains chapitre 10, verset 1. Roma, Mokotoya Zomi, Molongoya Zomi Namitano. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, quels sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bakosakola na nzela nini soko basimbani te. Mpela moko ekomami ete kitoko boni makolo na bango bakosakola sango na makambo malamu. Kadior banisse la lecture de sa parole. Nzambe akongela bokinga loba na ye. Veuillez vous asseoir. Kovanda. Bienvenue à cette méditation sacrée. À ce moment d'exaltation. Matango ya lilendi te. Nous sommes une soirée d'adoration et nous n'allons pas donner une longue prédication, mais juste dire quelques paroles pour nous édifier dans cette marche en Dieu, en accord avec, en harmonie avec le thème qui est exploité ces derniers temps par notre jeune frère Kennedy. Et nous parlons de la commission ministérielle comme exhortation, pas vraiment en tant que grand enseignement, la commission ministérielle, l'ordre de mission divine, la commission ministérielle, en d'autres termes, l'ordre de mission divine. Et vous savez que ceci, vous en tant que croyant, membre de l'église chrétienne, l'église du vivant, vous savez que ceci est un impératif. Parce que le service de Dieu est un service ordonné. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout ce qu'il fait est ordonné. Et le corps de Christ lui-même est bien coordonné. Donc on ne s'improvise pas à une fonction là-dedans. À une fonction soi-même. Mais on y est appelé et établi par Dieu. Soit on est loin par le Seigneur pour le corps de Christ est bien coordonné. Comme vous le savez dans Ephésiens chapitre 4, de la vérité de l'Écriture, Ephésiens chapitre 4, au verset 16, c'est lui, Christ, donc, Nous allons faire avec Christ. Et grâce à tous les liens de son assistance. Et tous les corps. Donc le corps de Christ. Le Christ. Et l'église du Dieu vivant. Nous allons être dans nos âmes et dans nos coordonné. Dans les mots coordonné. Il y a les mots coordonné. C'est coordonné. La coordination vient de l'ordination. Et l'ordination contient la racine du mot ordre. Et le corps de Christ n'est pas mal coordonné. Le corps de Christ n'est pas parfois coordonné. Mais il est écrit, et c'est cela la vérité, le corps de Christ est bien coordonné. Il y a un ordre parfait dans l'esprit. Qui règne dans le corps de Christ. N'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est Dieu qui est la tête de tout. Et tout ce que Dieu fait sera toujours conforme à sa vérité. Toujours conforme à son plan. Conforme à sa parole. Conforme à sa doctrine. Conforme à son enseignement. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Alors c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance. Que tous les corps, pas une partie, mais tous les corps. Quelle que soit la partie que vous aurez à considérer. Tous les corps. Que c'est le corps. Il est bien coordonné. Et formant un solide assemblage. Si ils sont plus croissants, selon la force qui convient à chacune. Le même esprit. opérant toutes les choses. Nous distribuons à chacun un particulier. Comme le croyant le veut, une partie de l'église le veut, ou contre l'église locale le veut, mais le distribue à chacun un particulier. C'est la volonté de Dieu que nous restons ce qu'il y a à faire. Et plus loin, que Dieu a établi dans l'église. Premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Regardez. Voilà. Lisez d'abord, on est là. Sentende a chikao boye kati na lingomba na liboso basuma na mibale basakoli na misato balakisi na sima basali na bukomusini na sima babikisi na sima basungi mpe babokisi mpe balobi na maloba na ndenge na ndenge. Quand vous voyez la manière dont cette parole de l'écriture est rédigée, que vous allez comment la lengue liloba oya makomi ekomami. N'importe qui est dans le bon sens naturel, il y a un ordre bien présenté. Il est dit que Dieu a établi dans l'église premièrement. Quand on utilise premièrement, on utilise deuxièmement, on utilise troisièmement, et on dit ensuite, et on dit et puis, cette succession de mots, l'emplacement des fonctions, c'est un ordre bien clé. Et quand on dit qu'il a établi dans l'église premièrement, vous ne mettez pas à la place de premièrement. Gardez ça comme Dieu l'a ordonné. Premièrement, c'est les apôtres. Amen. Et quand le Seigneur dit qu'il a établi premièrement les apôtres, ce n'est pas un homme qui se fait apôtre. Quand tu rêves, tu t'imagines que je suis apôtre. Les gens qui font ça sont de faux apôtres. Les prières sur un père comme apôtres. On ne s'improvise pas apôtre. Le prophète nous dit, l'appel d'un apôtre, c'est l'appel le plus élevé. La commission, quand Dieu appelle un apôtre, l'expérience est surnaturelle comme toute autre expérience. Mais elle est d'un niveau plus élevé. Parce qu'il est appelé à une fonction supérieure. Amen. Amen. Et alors là, c'est Dieu qui dit à l'homme, parce que le mot apôtre veut dire ministre. Chaque fois que Dieu appelle un apôtre, vous serez dans sa commission ministérielle. Le Seigneur utilise le verbe je t'envoie. Je t'envoie. Va. Va. Je donne l'ordre. Je dis à l'ordre à quelqu'un de partir. Et il lui parle directement. À ce moment-là, c'est quelque chose de particulier. Et édifiant en nous. L'appel d'un apôtre. C'est l'appel le plus élevé. À ce moment-là. Alors, quelqu'un à qui Dieu n'a jamais ordonné d'aller. Il n'a pas littéralement dit ça. Il n'a pas dit je t'envoie. Où va? Il peut pas être un apôtre. Qu'est-ce que tu fais? C'est facile à retenir. Je vous donne seulement les témoignages. Il vous dit qu'il a faute. Alors, la vie, nous vous savez, quand je révèle l'autre jour, vous voyez, on a l'autre qui l'autre jour, on a l'autre jour, on a besoin de distraction. Vous allez vous faire des choses plus importantes. Vous allez voir, Dieu a placé dans l'église. Premièrement, les et c'est un homme qui met de l'ordre. Il il ne peut pas dire mettre de l'ordre alors que lui-même vit dans le désordre. L'apôtre est un homme ordonné. Vous verrez même dans son expérience. C'est un homme ordonné. Discipliné. Mais il n'est pas un désordonné. Vaille, vaille. Oh non, ce n'est pas comme ça. Dieu utilise son homme selon la nature qui lui a donné. Vous allez montrer que l'anita, le linguiste nous fait ça. La vérité. Nana le veut de le bon la solo. Comme un pasteur. Je le prends avec lui. Bradam dit que c'est un homme posé. Alors vous allez montrer à Sandy, à Sandy Sami. Non, Dieu a fait de moi un pasteur. Ça le veut de le bon la solo. Pasteur, c'est pas quelqu'un qui soit léger. On va te laisser montrer ça. Il est frivole. Vous allez montrer la tête à vous. Dans ta vie de légèreté. Vous allez commencer à m'attendre. Pas la tête à vous. Vous allez aller là. Vous allez vous. Non, Dieu ne peut pas utiliser ce type de. Vous allez vous parler la montre. Le pasteur est digne de confiance. C'est l'homme qui gère les secrets. Et il sait gérer sa bouche. Et il saura gérer vos secrets. Quand on appelle un guerrier, il est digne de confiance. C'est vous là. On peut continuer. Donc, madame, Et quand Dieu dit, il a utilisé quelqu'un comme un évangéliste. Donc, dans le cas de la mort, on parle en tango. Le pronom de l'évangéliste. Il va le dire que mon père est en Azali. Il va le dire à mon père. Il va dire prêcher dans l'église. Les gens vont. Quelqu'un qui a la flamme. Azali, mon père, Azali, mon père. Il est chaud, chaud pour Dieu. Azali, mon père, Azali, mon père. Il est comme un coup de vent. Azali, pour la moufette. Azali, pour Ningi, c'est pas le temps de qualité. Ah, c'est l'évangéliste. Voilà, Azali, mon père, Azali, mon père. Donc, vous le verrez, il prêche ici. Nous en voulons comme ça dans la volonté. Amen, amen. Amen. La commission ministérielle ou l'ordre de mission divine. Donc quand Dieu établit un ministre, il lui donne un ordre de mission. Okay. Un ensemble de tâches accomplies. Un travail clair et précis à faire. Et ce travail, nous devons comparer dans les écritures pour voir à quoi ça ressemble et quelle identité que ça donne dans la parole. Oh, il y a beaucoup à dire là-bas. Il y a des années que j'avais compris. Un document sur l'épreuve de ministère de la parole. Oh, ça fait déjà des centaines de pages. Ils allaient dans le cas et ici. Je n'ai même pas encore terminé ça. Un jour, par grâce à Dieu, j'ai vous aurez accès à ça. Vous aimez la vérité? Oui, les affaires de notre Père Céleste. C'est bon et parfait. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alors, ici, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait des gens qui se faisaient des prophètes. Comment on les voit là-bas? Dans Jérémie 23. Il les prophètes eux-mêmes des prophètes. Mais pourtant Dieu ne les a pas envoyés. Parce qu'en ce temps-là, comme maintenant d'ailleurs, c'est Dieu qui établit les prophètes de la parole. Pas question de s'improviser. Il est écrit, verset 16, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses bénéfiques. Et ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Dans Jérémie 29, la parole dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Non pas mes prophètes, mais vos prophètes. C'est vous qui les appelez prophètes, c'est vous qui les reconnaissez prophètes, c'est vous qui en faites des prophètes, mais Dieu ne les connaît pas. Ils ne sont pas ces prophètes. Faites attention à ce que vous faites. Qui dit Amen dans l'église? Écoutez. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, qui sont au milieu de vous, et par vos défunts. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne laisse pas envoyer, dit l'Éternel. Quand Dieu déclare que ces prophètes qui sont vos prophètes, qui sont vos devins, Revenons à Jérémie 23. Oh, quel privilège de rester dans la volonté de Dieu. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. La force est de courir, il les annonce. Ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas tromper. Dieu vous prévient et vous allez. Si quelqu'un fait au Seigneur, ne soyez jamais sentimental. Impressionné par ce qui fait plaisir. Suivez la justice de la parole. Ne vous à la vérité de la parole. La parole demeure debout. Ne vous laissez pas debout dans votre cœur. Elle demeure invariable, immuable, inattaquable. La vérité du Seigneur restera debout. Et tous les croyants ont fermé la souterraine. Je n'ai point envoyé ce prophète et ils sont courus. Je ne leur ai point parlé. Et ils les ont prophétisés. Dieu doit parler à quelqu'un. Pour les placer au service. Dieu doit parler à quelqu'un. Pour l'établir dans le ministère. Pour ici, le Seigneur. Que lui n'a pas envoyé, mais qui a dit sans son nom, qui ose parler en son nom, qui ose parler de la parole, mais sans commission ministérielle, la position de l'église spirituelle, la position des croyants spirituels, c'est de refuser de l'Église. Oh, que c'est dur des fois, mais c'est ça la vérité. Oh, mais si c'est ce qui est vrai, pourquoi n'est pas quand même? Le problème n'est pas là-bas. Il faut la commission ministérielle. Et c'est Dieu seul qui l'a donné. Ok. Et ceci? Oui. Verset 32. Voici de l'Éternel. J'en veux aux prophètes, qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voyez ça? Quand quelqu'un n'a pas l'envoi, le mandat de Dieu, il ne peut parler de la parole du matin au soir. Mais cette parole-là dont il vous parle, c'est sa propre parole. Il va vous persuader, vous présenter ça, vous mettre la parole du Seigneur. Vous voyez le piège? C'est sa propre parole. Autrement dit, sa propre conception. Sa propre manière de comprendre. Sa propre manière de comprendre le verset biblique. Il vous présente ça. Si c'était la parole de Dieu. Mais parce qu'il n'a pas la commission ministérielle, qu'il n'a pas l'envoi de Dieu, Dieu ne lui a pas parlé. Zamba tout ce qu'il vous présente, après Dieu, c'est sa propre parole, et vous, si vous êtes spirituel, ne l'écoutez pas. Vous n'avez pas de ça, c'est la matière des aigles de Dieu. Oui, Zali, ma femme, va prendre la salle. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui errent mon peuple, par leur mensonge et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. La commission ministérielle, c'est un mot d'ordre du Seigneur qui soit établi dans le monde. Dieu dit, je leur ai pas donné d'ordre. Moi, le Dieu d'ordre. Moi, le Dieu qui coordonne les ordres. Je leur ai pas donné d'ordre. Qui leur a donné alors l'ordre de prêcher? Qui les a alors établis dans le service? Alors que moi qui le fais, je ne les reconnais pas. Mais eux, ils le font. Ils courent même pour le faire. Oh, ils sont si rapides. Oh, Jésus. C'est lui qui jugera tous les âmes. Les vivants et des morts. Faites attention à ce que vous allez. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. et ils ne sont d'aucune utilité à son peuple, le peuple de Dieu. Et on aime toujours suivre les sentiments. Oh, vraiment, papa, bah, vraiment, à Toki. Tant aux autres, c'est à qui vraiment. Vous avez dit, vous m'avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, est-ce qu'on a besoin de tata pour montrer au ciel? Nous avons singa ya lo lengo na pamoko na lola. Tenons-nous à la vérité. Tenez ma vérité na solo. Zamba le bazana na likamba mo kote. Tu kilo mo likamba na pai na bangwale zalio. C'est là que tu tires de ça. Vous allez kubenda il tomba pour les pai. Avoir avec ton salut. Wa na zene lo kote kote la vérité na yo. Pour me moi si kamo kote lo na zambi. Parce que c'est ton père propre. Wa na zene makambo na yo mo kote. Dans lequel Dieu ne peut consacrer. Tina ngo tani kamo soko mo kote. Retenez à la parole. Et tenons-nous ça à la parole. Compromis. Zanga. Amen. Amen. La commission ministérielle. Dieu donne cet ordre. Zamba dali kupesse à mes hommes. Mes chers amis, vous aimez non? Dieu parle vraiment à ses hommes. Il avait parlé à Abraham. Et il a fallu un prophète. Et c'est vrai. Et dans les sermons, je vous jurerai. Prêchez les deux enfants. Paragraphes 23 et 24, la première partie. Les appels de Dieu sont surnaturels. Il n'y a là rien de naturel. Dieu emploie le surnaturel. Il l'exécute par des choses naturelles. Mais les appels de Dieu sont surnaturels. La Bible dit que les dons et les appels sont repentis. Ils ont été prédestinés par Dieu. Donc ça y est, dans la prédestination de Dieu. On ne s'improvise pas. Le Dieu d'ordre a dit. Et on t'a marqué où vous pressez dans le service. Il donnera le mot d'ordre. Il rappellera votre commission. Maintenant, là-dessus, nous voyons qu'Abraham avait été appelé, il a entendu la voix de Dieu. Et celui-ci lui a dit quelque chose qui était presque totalement impossible. Il était âgé de 75 ans. Et sa femme Sarah était donc déjà ménopausé. Depuis une vingtaine d'années. Il avait vécu avec elle depuis qu'elle était une jeune fille. Il n'avait pas d'enfant. Et pourtant il lui a dit qu'ils allaient avoir un enfant. Vous voyez le surnaturel. Dieu parle d'une voix surnaturelle. Et il annonce à Abraham quelque chose qui paraissait totalement impossible. Mais le surnaturel qui lui a parlé était capable de faire impossible. Et pourtant, il lui a dit qu'ils allaient avoir un enfant. Et que c'est à travers cet enfant que le monde entier, que toutes les nations seraient bénies. Ça, c'est étrange. Vous voyez que Abraham étant appelé de Dieu, que lui est-il arrivé? Il a entendu la voix de Dieu. Mettez encore le nom d'un tel. Quand il est appelé de Dieu, il fera quoi? Il entendra la voix de Dieu. Mettez encore la voix d'un autre tel. Quand il est appelé de Dieu, il fera quoi? Il entendra la voix de Dieu. Et les appels de Dieu sont surnaturels. Il n'y a là rien de naturel. Dieu parle. Il est le créateur. Ce n'est pas un muet, une idole muet. Il est un Dieu vivant. Et il parle les choses. Vous aimez ça? Oh. dans les sermons qu'entends-tu, Élie? Le neuf qu'entends-tu, Élie? Prêchez le 9 juin 1959. Donc, dans la version électronique, c'est le paragraphe 8. Considérez Élisée. Il a suivi. Considérez Jean-Baptiste. En son temps. Considérez Paul. Tous l'avaient abandonné. Mais il tenait toujours bon parce qu'il avait rencontré Dieu. Vous voyez Paul? Tous avaient abandonné Paul. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il tienne bon? Parce qu'il avait rencontré Dieu. Il avait entendu une voix lui parler. Considérez John Wesley. Martin Luther. Calvin. Ce n'est pas ce que quand Dieu vous parle, c'est le nom de la commission ministre. C'est le populaire. C'est le populaire. Non. Pourquoi ça signifie la solitude? Compris la grande majorité. Ce que Dieu vous a dit ne changera pas. Parce que quand Dieu vous parle, il ne tient pas compte de l'opinion populaire. Il tient compte de son propre plan. Vous soyez approuvé ou non par les humains, Dieu ne change pas ses voies. Voyez-vous ça? Oh, il a parlé à Ézéchiel. Il lui a dit. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Verset 3 et 5. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une foule de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils l'homme, verset 6, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Cela ne change pas la commission que moi j'ai fait. Cela ne change pas l'identité que je reconnais moi. Tu es un prophète selon moi. Parole dit Seigneur. Et cette famille de rebelles écoute ou n'écoute pas. Ils sauront quelque chose. D'après qui? D'après les gens, d'après Dieu. Voyez-vous que c'est différent? Donc, Dieu, quand il place ses sons, il n'attend pas vos acclamations. Que vous soyez d'accord ou pas, lui a établi son homme. Et Paul a établi tous les gens. Paul dit tous m'ont abandonné. Alors, Dieu ne pouvait pas abandonner. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Écoutez, frère Branham, considérez John Wesley. Voilà, John Wesley. Ma qualité. Ma qualité. Enfin. Les hommes qui avaient fait quelque chose pour Dieu. Bah, va la les hommes qui avaient entendu Dieu. Et qui s'en étaient tenus à leur conviction. Les hommes qui avaient écouté et qui avaient attendu. Donc, ils ont écouté Dieu, ils l'ont entendu. Et ils ont patienté. Et pour marcher selon leurs convictions, obtenu à genoux par la prière. Même si c'est impopulaire, les hommes-là avaient entendu Dieu. Ils avaient entendu la voix de Dieu. Même si les humains les ont abandonnés, ils n'avaient changé rien au plan de Dieu. Ni à la décision de Dieu. C'est ce que les autres disaient, ne changez rien. Ils avaient attendu jusqu'à ce qu'ils aient entendu Dieu. C'est grand. Ça paraît comme les vents violents. La puissance de tout. Et toutes ces choses qui se passent. Eux attendent. Il y a des gens qui viennent impressionnés. Ils ont entendu Dieu attendre. Il y a un grand mouvement qui a commencé ici. Ce sont des coups de vent. Des fois juste les supplémentaires. Appelez de Dieu, restera attentif. Impressionné par le coup de mot. Des petits phénomènes qui se déroulent ça et là. Voyez frère, les grands réveils qui sont à coup. Voilà, vous parlez comme ces vents violents. Les puissants et tout. C'est pas cela. Vous attendez. Il y a la grotte, vous n'avez plus attendu. Il y a eu du feu. Il a dit que Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu une tempête. Mais Dieu n'était pas dedans. C'est ce qui se passe avec ce soir, il s'en réveille. Il y a du bruit à gauche, à droite. Un homme appelé de Dieu n'a pas besoin de s'emballer. Nous nous attendons à la véritable voix du Seigneur. Dieu fait tout d'après ses paroles. Alors, vous qui êtes? Il y a eu du vent, il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dedans. Élie a gardé sa position. Élie a battu la tromperie. Il n'est pas sorti de là. Il a gardé sa conviction. Ça, c'est la langue de feu. Ça, n'impressionne pas un homme spirituel. Satan a la véritable voix du Seigneur. Or, si vous l'avez jamais entendu dans votre vie, vous n'aurez pas la distinction. Vous allez appeler n'importe quoi œuvre de Dieu. Chers amis, éprouvons toutes choses. Examinez toutes choses. Et que la parole seule ait raison. Voyez, c'est ce que font toujours les aigles de Dieu. Jusqu'au moment où ils peuvent entendre cette voix. Il faut que le Seigneur nous parle. Voyez seulement attentif. Attendez que la véritable voix du Seigneur vous ait l'air que mon groupe est seul ensemble. Qui a me dit la main? N'allez-vous pas vous faire le bon goût? Beaucoup sont emballés. Mingi, Babi Mamaka. par les sensationnels, l'état palais, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mes chers amis. Il nous faut nous en tenir à la vie. La Seigneur. Nous identifier dans tous les âges. Monsieur le 9 avril, Au plan électronique, c'est le paragraphe 107. On est allé comme on Sambo. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile avant de s'être agenouillé sur ce sable sacré. Là derrière, dans la présence de cette colonne de feu, et d'avoir entendu la voix de Dieu lui parler. Avez-vous retenu? Pouvez-vous le répéter? Je répète pour vous aider à répondre. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile avant de s'être agenouillé sur ce sable sacré. Là derrière, dans la présence de cette colonne de feu, et d'avoir entendu la voix de Dieu lui parler. Si ça ne s'est jamais passé, il n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Et vous êtes délié de tout devoir de l'écouter. Il n'a pas le droit de prêcher ce que nous n'avons pas le devoir de l'écouter. Alors, le Seigneur a dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé. Et il a dit, celui qui vous écoute, moi je vous ai envoyé. Celui qui vous écoute, m'écoute. Mais quand quelqu'un n'est pas envoyé par le Seigneur, le Seigneur ne lui a pas donné le mot. La commission ministérielle, il n'y a pas parlé pour préciser les tâches à faire. L'œuvre accomplie, n'étayant cela, il n'y a pas ça. Il n'a même pas le droit de prêcher les mots. Vous savez, les religions d'aujourd'hui sont expliquées comme cela. Oh, telle chose est arrivée. Et c'est passé. Et telle chose est pour un otage. Et c'est dit. Mais un homme qui a déjà rencontré Dieu face à face, et qui lui a parlé, un homme de science, aucun démon et rien d'autre ne peut venir s'il se ferait. Il était là. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu. Et il sait de quoi il parle. Et il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre essaye de lui dire quoi que ce soit. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui a donné le monde. Il a révélé la commission ministérielle. Il a montré les opinions des démons. Il a montré les opinions des religieux. C'est un groupe de croyants. On s'en fout. Ce que Dieu a dit, tranche. La voix du Seigneur dévoile son plan. Nous sommes appelés à faire sa volonté. Vous avez dit que vous aimez la volonté. Oh, qu'il en soit ici. Je vais terminer ici. Maintenant, il est très avancé. Notre position en Christ. Notre position en Christ. D'être d'abord un membre égoïste. Avoir votre place dans le corps de Christ. Par un véritable baptême. Biblique. Oh, la Biblia. Conforme à la vérité. Et ce pas une solo. Que ce soit un véritable baptême du Saint-Esprit. Quand nous nous parlons encore, nous voyons le sceau de Dieu. Il faut être scellé, être confirmé par les hommes, par les discours des gens, mais la voix du Seigneur. Mon bon Dieu, un jour, le Saint-Esprit vous parlera. Il vous appellera à l'état quelque part. Dans une petite cabane. Donc vous vous rendez jusqu'à ce moment-là. Dans une petite cabane. Sur le flanc des collines. Vous voyez, ou dans la salle de bain. Quelque part. Et là, il vous rendra. Pour un certain service, ou pour une certaine chose à faire. Hein? Il vous dira la chose à faire. Il s'agira de faire quoi et quoi. Alors il dit, ce ne sera pas l'imposition de main de presbytère des anciens. Mais ce sera l'imposition de main du Dieu Saint-Puissant. Lui-même qui placera en vous un ministère. Et quand il vient pour ça, il vous parle et décrit le travail à faire. Vous allez pour tout le monde. Pendant qu'il vous voit là, il vous parle et vous décrit le travail que vous aurez à faire pour lui. Ah, vous allez nous allons examiner cela par rapport à la parole. Ce qui se conforme, si ça peut être le livre de la Bible qui vous a fait. C'est ce qu'il peut faire. Alors il dit, ce n'est pas l'impression de main des presbytères ou des anciens. Comme vous dites, ils m'ont passé la main, ils m'ont répondu. Ce n'est pas eux qui donnent la commission. La commission ministérielle vient de Dieu. Ce sera l'imposition de main. Lui-même placera en vous un ministère qui vous revêtira d'une nouvelle robe. Il vous exposera comme un exemple. Et tous les démons, loin de vous tourmenter, ne vous dérangeront jamais. Oh Dieu, accorde à mes frères que nous recevions chacun cette bénédiction. Avez-vous remarqué ça? Et le Seigneur nous l'accorde. D'avoir d'abord à trouver notre position en Christ. Et ensuite le Saint-Esprit nous parle pour nous dire quelle est notre fonction. Quel est notre travail pour lui. Selon son plan. C'est pour toi clair et identifiable. Est-ce que mes chers amis, nous avons lu Jérémie et nous avons lu Ézéchiel. Il est parlé des prophètes et Dieu nous a mis en garde contre les forces de l'ombre. Des prophètes que lui n'a pas envoyés, des prophètes auxquels lui n'a pas donné un mot d'ordre, à qui il n'a pas parlé, rien de tout ça, ne les écoutez. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Là où nous pouvons lire ces choses qui peuvent arriver au sujet de ce prophète-là, venons vérifier ça dans le Nouveau Testament. Donc, pour être prédicateur de l'Évangile, il faut que Dieu t'envoie. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te donne son mot d'ordre pour le ministère de la parole. Si tu ne l'as pas donné, tu n'as pas le droit de prêcher. Et Paul a dit dans Romains, comment y aura-t-il des prédicateurs qui sont quoi? Donc, c'est même que le prophète de l'Ancien Testament qui devait être envoyé par Dieu pour être reçu et reconnu par le prophète de Dieu, le prédicateur dans le Nouveau Testament, chacun d'eux doit être envoyé de Dieu. Sans quoi, nous l'église, nous ne pouvons pas Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Or quand Dieu envoie, il parle. Quand il a envoyé Isaïe, il lui a parlé. Quand il a envoyé Moïse, il lui a parlé. Quand il a envoyé Samuel, il lui a parlé. Quand il a envoyé William Branham, il lui a parlé. Ainsi de suite. Donc, bongo. Donc, la Bible est la Bible est dans notre temps, c'est toujours attends, attends, la Bible est bongo. Bongo. Et le bongo, bongo. Allez vous garder la vérité. Vous battez la solo. Précieusement dans le cœur. La commission ministérielle. Là, ou l'ordre de mission divine. Bongo. Dieu réclame cela. Bongo. Il va jusqu'à dire j'en veux à ces prophètes-là. C'est des ordres qui font n'importe quoi. Mobikise nangai manana zambe na lele mengi ye bosa na yo o patelanga mobikise nangai pasi nangai nyosa ekosela. Mobikise nangai manana zambe na lele mengi le basa na yo abatela ngai mobikise nangai pase nangai nyasa ekosela. Yala bake isenga okozoa Yolo bake loka okomona Aya akabeta bako kangwela ye Ondoko yaneto naye nalikolo. Yala bake sena okozoa Yolo bake loka akamona Aya akabeta bako kangwela ye Mondoko yandeko naye nalikolo. Na lukia wanse kime ananza Olongai na lukie payi La bekwe jale Na lukie solo Awana mokili Kase yando Ejale na Kristo. Na luka wansi kimyana Tolongai na luke payi Na bekwe jale Na luke solo Awana mokili Kase yango Ejale na Kristo. Yala bake sena okozoa Yala bake okakomana Aya kameta kako kamela yen monoko yanaka na yani kolom yala bake akolwa yala bake oka okona aya akabeta bako kambela ye monoko yanaka na yena likolo. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, après avoir passé ce moment de prière, suivi de cette méditation de la parole, méditation sacrée que nous allons parole de vérité que nous aimons, l'ancien évangile, que nul ne peut renverser pour les élus de Dieu. Car ils sont une partie de la parole. Seigneur, nous te louons et nous te glorifions. Car tu nous as jugés dignes d'apprendre. Tu as bien voulu nous faire connaître ceci. Et nous ne voulons pas rejeter la connaissance. Nous ne voulons pas rejeter ta vérité. Même pas la négliger. Et nous voulons y veiller chaque jour. Pour être ordonné au prédicateur, marcher dans l'ordre de la discipline de la parole et faire face à tous les ennemis. Tous les ennemis de la vérité qui s'opposent à la vérité, qui combattent la vérité. Seigneur, qu'ils nous trouvent sur le chemin. Car nous la soutiendrons. Nous la garderons. Jusqu'au bout du souffle. Ta parole est saluable. Elle ne faillira jamais. Écoute mon frère. Écoute ma soeur. Exauce nos prières. De cette église, mon Dieu. Car nous sommes une partie de ton corps. Contentez tes promesses. Basé sur ta parole. Prenez dans ta doctrine. Restons fermes jusqu'à vous. Voilà les secours pour chacun. Voilà la guérison pour les malades. Voilà les secours pour ceux qui souffrent. Il s'épanouit chacun de nous. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu soit loué.